Tima Tengu, la boussole et le mix. Écoute. Yo, le plus dur c'est commencer, j'attends que Pyro scanne la tape. Ouais Tengu, on sait même plus pourquoi on scanne dans la tête. J'ai plus sourire qu'à la tape, plus l'envie de sortir sur la tête. Plein de mots compliqués pour dire que j'ai vraiment plus le cœur à la fête. Ça va mieux mais à côté l'adolescence vient de sonner. Donc toujours d'autres types de problèmes qui pointent le bout de son nez. On n'a jamais grandi, regard inquiet fixe le tonnerre. Reste des minots et pieds maintenant c'est la gamine qui met sonar. Perso ça change pas, coincé dans le tag comme Peabody. Qui dame furtif et des alertes pour camoufler comme Shinobi. Toujours l'histoire de l'insomniaque et sa passion pour l'endorphine. Triture la cabote toutes les nuits à trouver des synonymes et je reste relax. Je vais pas bouger pour une Rolex. Pas la ganache pour viser le contrat max à leur faute d'est. Rater ça rapporte nada. Nos dégaines de Pareto, c'est pas de la tâche ou d'un plus de page. Vas-y demande à Carlito, je fais pas mytho. Je vais bouger entre les averses. J'ai beau remiser les dés, je tombe toujours sur une face vierge. Des défaites, y'en a eu à la peine. Penser c'est pas la peine. Le parcours c'est du détail. Si compte c'est remporter la belle. C'est toujours pour ceux qui savent, rien n'a changé depuis 2005. La charité file l'hôpital, le sang coule de la ville sainte. Et l'âme d'ange sous les décombres, gros. Un jour faudra rendre des comptes et le ciel se moque de tes fonds. Pour ça j'avance, les nerfs solides qui rendent tes flancs. J'ai touché le palpitant, je te donne envie d'augmenter le son. C'est pour ceux qui aiment bouger la tête, ceux qui aiment commenter le son. Tu tournes en rond, moi je fais le tour de la terre. La musique comme vaisseau, tu me verras près du sol. Insolent, en air solide, en train de travailler ma prose. Imposant à l'improvise, Tima Tengu synchronise. Parle d'un futur anachronique, Thames. Je dirige un chaos symphonique. Tu connais, je parle à la mer. Tu connais, je parle à la mer. Sans bagage mes voyageurs, tu me vois danser sous la verse. Tu me vois danser sous la verse. J'ai ma plaqueuse dans le baladeur.